Bismillah ve elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ittaba'a huda. Amma ba'du, aujourd'hui donc le 21 du mois de Muharram 1442 après l'hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le 5e cours et l'avant-dernier cours de notre série concernant al-qawa'id al-fiqhiyya al-khamsa al-kubra, les 5 grandes règles jurisprudentielles. Nous sommes arrivés à la 4e règle jurisprudentielle que nous avons voulu expliquer dans cette série, qui est al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. Al-mashaqqatu tajlibu at-taysir, que j'ai traduit approximativement par la difficulté amène ou appelle la facilité. La difficulté amène ou appelle la facilité. La 4e de ces règles et l'avant-dernière de ces règles. Donc, la semaine prochaine, nous terminerons cette série de cours concernant les 5 règles principales, les 5 grandes règles jurisprudentielles. Cette règle qui est la suivante, al-mashaqqatu tajlibu at-taysir, la difficulté amène ou appelle la facilité, qui veut dire que lorsqu'une affaire est difficile, lorsqu'une chose devient difficile et fatigante pour l'être humain, pour la personne, eh bien, il vient avec cette difficulté, cette fatigue, il vient une facilité dans notre législation. Et les al-fuqaha, les savants de la jurisprudence, expliquent aussi ou donnent comme nom à cette règle une autre appellation, qui est al-amru idha daqa ittasa'. Al-amru idha daqa ittasa'. Donc ils disent parfois al-mashaqqatu tajlibu at-taysir ou al-amru idha daqa ittasa'. Et il faut savoir que cette règle fait partie des caractéristiques les plus importantes et les plus caractérisantes de notre religion. C'est-à-dire cette description ou cette règle fait partie de ce qui caractérise de la meilleure manière notre religion, la religion de l'islam, qui est une religion de facilité, une religion de facilité. Et concernant cette règle, il y a bien sûr plusieurs preuves. Parmi ces preuves, nous citerons ce verset, le verset numéro 175 de Sourate Al-Baqara, où Allah dit dans le sens approximatif de ces paroles, ceux-là ont échangé la bonne direction. Pardon, le verset numéro 185. Ces jours sont le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. Comme cela, dans Sourate Al-Ma'ida, le verset numéro 3. Sourate Al-Ma'ida, la sourate numéro 5, la table de service, le verset numéro 3. Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d'une chute ou morte d'un coup de corne, et celle qu'une bête féroce a dévorée, sauf celle que vous égorgez avant qu'elle ne soit morte. Vous sont interdits aussi la bête qu'on a immolée sur les pierres dressées, ainsi que de procéder au partage par tirage au sort au moyen des flèches, car cela est perversité. Aujourd'hui, les mécréants désespèrent de vous détourner de votre religion. Ne les craignez donc pas et craignez-moi. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Si quelqu'un est contraint par la faim, ici, j'ai lu le début du verset car le début et la fin du verset sont indissociables pour bien comprendre le jugement. Allah Azza wa Jalla termine le verset en disant de sens approximatif de ses paroles. Si quelqu'un est contraint par la faim, sans inclinaison vers le péché, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. C'est-à-dire si quelqu'un est contraint par la faim de manger la bête, même si celle-ci fait partie des bêtes qui ont été interdites au début du verset. Comme cela, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens approximatif de ces paroles dans Sourate Al-Baqarah, le verset numéro 286, où il dit, dans le sens approximatif, et vous pouvez simplement apprendre ce verset ou cette partie de verset, il résume très bien, il résume très bien la règle. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. L'ensemble d'entre nous connaissons ce verset petit et grand. Donc dans le sens approximatif, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Il te suffira d'apprendre ce verset qui est une preuve directe de cette règle. Comme cela, nous avons plusieurs ahadith, plusieurs traditions prophétiques qui sont des preuves de cette règle. Al-Mashaqqatu tajlibu at-taysir. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, de façon approximative de ses paroles, certes la religion c'est la facilité. Certes la religion c'est ou est facilité. Puis il ordonna de faciliter aux gens et de ne pas leur rendre les choses difficiles, de leur annoncer la bonne nouvelle et de ne pas les faire fuir jusqu'à la fin de ces ahadiths qui sont rapportés. Nous dirons ici comme exemple à cette règle. Ces exemples que je vais citer ne sont pas des exemples de la pratique de cette règle, mais plutôt des exemples qui nous montrent que la base de notre législation, la base de la législation islamique, est la facilité. Puis après, je rapporterai d'autres exemples. Par exemple, dans la purification, lorsque la personne ne peut pas utiliser l'eau, eh bien, il nous a été légiféré d'utiliser à la place التيمم, la terre, ou ce qui est dans ce sens-là. Donc, lorsque tu ne peux pas faire الوضو, tu feras التيمم. Ceci nous montre que la base de notre législation, à la base, notre législation est une législation qui appelle à la facilité, qui est une législation facilitée. Comme cela, les savants ont même rappelé que celui qui ne peut ni utiliser l'eau, ni faire at-tayammum, comme celui qui sera emprisonné et enchaîné, qui ne peut pas bouger, et bien celui-là, il priera comme il le peut, de la manière qu'il est, c'est-à-dire sans même faire de purification. Il priera comme il le peut. Ceci nous montre la facilité de notre religion. Comme cela, lorsque le musulman voyage et qu'il porte ses chaussettes ou ses chaussures ou al-khuffayn et qu'il lui est difficile et fatigant pour lui lors de son voyage d'enlever ses chaussettes, ses chaussures ou al-khuffayn, eh bien, à ce moment-là apparaît cette règle et la facilité de notre religion, le fait qu'il lui est autorisé de faire al-mash. Comme vous le savez, le fait d'essuyer lors de sa purification sur ses chaussettes, sur le khuffayn, sur ses chaussures, pendant 3 jours et 3 nuits. Comme cela, pour celui qui est résident, 1 jour et 1 nuit. Comme cela, le fait qu'il est connu de vous que parmi les piliers de la prière, le fait que tu dois prier debout. Celui qui ne peut pas prier debout pour telle ou telle raison, si ceci bien sûr est une raison valable et légiférée, eh bien il lui sera permis de prier assis. Comme cela, s'il ne peut pas prier assis, il lui sera permis de prier allongé. Malgré que ceci fait partie des piliers de la prière, mais notre législation est venue pour faciliter cela. Ici, nous rappellerons deux points avant de rappeler deux autres règles qui découlent de cette règle en donnant quelques exemples. Deux points importants. Nous voyons que le Velama rappelle, comme ici le Cheikh Mohamed Bazmoul, Hafidahullah, rappelle que le savant, lorsqu'il lui est demandé le fatwa, lorsqu'il lui est posé une question, lui est demandé de donner un jugement, et que ce dernier, donc le savant, voit que cette affaire sera difficile pour les gens, eh bien il devra, et ceci fait partie, découle de cette règle et fait partie de notre législation, il devra leur donner la facilité, bien sûr sans sortir des règles de notre législation. Il devra choisir ce qui concorde avec leur état, l'état des gens qui sont devant lui. Comme cela, nous rappellerons que ici, un point que Cheikh Mohamed Bazmoul, Hafidahullah, a rappelé, le fait que certaines personnes comprennent cette règle, al-mashaqqatu tajlibu at-taysir, donc la difficulté appelle ou amène la facilité, et que la religion est la facilité, ils comprennent cela comme par le fait que à chaque fois qu'il y a quelque chose devant toi, une affaire, eh bien tu choisiras le plus facile. Et ceci est une erreur, bien sûr, dans la pratique de cette règle. Car ceci n'est pas voulu par les savants lorsqu'ils évoquent cette règle. C'est-à-dire que le plus facile, ce n'est pas le plus facile pour toi, c'est le plus facile que ta religion, que notre législation t'a mis à disposition, c'est-à-dire à disposition de ta pratique. Plutôt, cette règle nous parle que la difficulté ramènera la facilité, et ceci fait partie de la base de notre législation, c'est-à-dire que le savant, il regarde, lorsque lui vient une affaire, il regarde dans, à propos de cette affaire, il étudie cette affaire, il prend les règles de notre religion, et s'il trouve que dans cette affaire, il y a une chose qui est difficile pour les gens, et qu'il a une preuve pour leur facilité, dans ce cas-là, eh bien à ce moment-là, il verra que cette chose amène une difficulté pour les gens, donc il leur trouvera la facilité dans cela avec la preuve et avec ce que la législation implique. Et ce n'est pas, comme beaucoup de gens le disent, la religion c'est la facilité. Donc s'il voit que, par exemple, à son travail, il ne peut pas prier, ou il pense ne pas pouvoir prier les prières obligatoires, il dit la religion c'est la facilité, je prierai mes 5 prières quand je rentre à la maison. Ceci est une erreur dans la pratique de cette règle. Plutôt, la facilité au moment où au moment où il y a une preuve qui vient appuyer cette facilité, et non la facilité que n'importe qui parmi les gens de la masse voit et recherche, parce que c'est une réalité, le nafs, l'âme cherche le repos et cherche la facilité, et parfois elle ne se conditionne pas par les preuves du Coran et de la Sunna. Ceci est une erreur, plutôt cette règle devra être conditionnée par notre législation et les preuves du Coran et de la Sunna. Ici nous rappellerons simplement deux règles qui viennent s'ajouter à cette règle et qui découlent de cette règle, el mashaqqatu tajlibu at-taysir. La première est cette règle que vous connaissez sûrement, qui est ad-darurat tubihu al-mahdhurat. Ad-darurat tubihu al-mahdhurat, c'est-à-dire ce qu'on pourrait traduire comme les nécessités rendent licites les interdits. Ils diront parfois ad-darura tubihu al-mahdhura, donc la nécessité rend licite l'interdit. Et ici, donc, les nécessités rendent licites les interdits. Ici, je vais rappeler quelques exemples, mais Avant cela, je rappellerai la deuxième règle qui découle de cette règle et qui est une règle qui vient conditionner cette dernière. Donc les nécessités rendent licites les interdits. Et les savants toujours ont l'habitude de rappeler une deuxième règle avec celle-ci. Ils disent « وَالضَّرُورَاتِ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا » C'est-à-dire que les nécessités doivent être estimées, doivent être mesurées selon leurs besoins. C'est-à-dire que, ici nous allons expliquer cela, premièrement, il nous convient de savoir ce que sont ad-darurat. Est-ce que l'un d'entre vous sait ce qu'on appelle dans notre législation ad-darurat et ce que sont ad-daruriyat al-khamsa? L'ulama parle de cinq nécessités. Ad-daruriyat al-khams. Qu'est-ce que ad-darura? Nous voulons une définition approximative de ad-darura, la nécessité. Est-ce que l'un d'entre vous peut nous donner une définition approximative de la nécessité? C'est quelque chose qui est important. On connaît tous cette règle. Ad-darurat, tubihul mahdurat. D'accord, qu'est-ce que la nécessité? Tfadal Ahmed. Une des choses d'origine préservée. Ahsant. Ahsant. Ahsant. Tu as répondu aux deux questions d'un coup, Ahmed Barakallahu fik. Ad-darurat. Donc c'est la nécessité, c'est l'une des choses que notre religion est venue préserver. Et l'ulama, il parle de ad-darurat al-khams, les cinq nécessités que Ahmadou nous a citées ici, qui sont ad-din, la religion, al-mal, les biens, al-nafs, la vie, al-ird, l'honneur, et al-aql, la raison. Lorsque la religion est venue préserver, la religion d'Islam est venue préserver la religion, elle a interdit quoi? Al-shirk, l'association, le polythéisme. Lorsqu'elle est venue préserver, elle mêle les biens, elle a interdit le vol sous toutes ses sortes, sous toutes ses formes. Lorsqu'elle est venue préserver la vie, al-nafs, elle a interdit le meurtre. Lorsqu'elle est venue préserver al-ird, l'honneur, elle a interdit al-zina, ahsant, la fornication. Lorsqu'elle est venue préserver al-aql, la raison, elle a interdit par exemple le vin et tout ce qui est dans ce sens-là. Barakallahu fikum. Ceci, ce sont ce que nous appelons ad-daruriyat al-khams, ou darurat al-khams. Ces cinq nécessités. Nous dirons ici la nécessité, c'est une chose sur laquelle s'arrête l'une de ces cinq nécessité que nous venons de citer. Une chose sur laquelle s'arrête la nécessité est une chose sur laquelle s'arrête la préservation, le fait de préserver l'une de ces cinq nécessités que nous venons de préserver. C'est-à-dire une chose pour appeler une chose, je suis dans la nécessité, ceci est une nécessité, il faut bien savoir comment utiliser les mots. Ceci est une darura, je suis dans une darura, dans une nécessité. Qu'est-ce que cette darura? Comment tu pourras donner, ou à quel moment tu auras le droit de donner ce nom, darura, nécessité à cette chose. Nous disons que tu pourras donner ce nom-là lorsqu'il s'arrête sur le fait de faire ou de ne pas faire cette chose, la préservation, alaykoum salam, le fait de préserver l'une de ces cinq nécessités primaires que nous venons de d'évoquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais donner simplement quelques exemples pour bien comprendre ce que je viens d'évoquer ici. Par exemple, un exemple qui est connu, simplement parce que j'avais réservé plusieurs exemples, on va simplement un exemple qui est connu, que j'ai cité aussi, qui est rappelé dans le verset de Surat al-Ma'idah, le verset numéro 3 de Surat al-Ma'idah. Lorsque tu es dans une nécessité, que tu n'as rien à manger, rien à manger, eh bien, il te sera autorisé de manger quelque chose qui te sera illicite à la base, comme par exemple la bête morte. Nous parlerons simplement de la bête morte, el-meita, c'est-à-dire une bête qui est morte sans avoir été égorgée, sans avoir été sacrifiée de manière légiférée. À quel moment tu auras le droit de manger cette bête? Lorsque il s'arrêtera sur le fait que tu manges, que tu ne manges pas, par exemple, il s'arrêtera sur le fait que tu ne manges pas cette bête à ce moment-là, la préservation de l'une de ces cinq darouriyat que nous avons citées. Laquelle ? Hein ? La vie, an-nafs, ahsantum. C'est-à-dire que si tu ne manges pas cette bête à ce moment-là, tu n'as que ça à manger. Et tu sais que devant toi, ou en tout cas tu penses fortement que devant toi, il n'y a rien de licite dans notre législation à manger qui puisse repousser la faim. Donc tu n'as que cette chose-là à manger devant toi. Eh bien, tu auras le droit à ce moment-là de la manger afin de préserver l'une de ces cinq nécessités primordiales que la religion est venue préserver, c'est-à-dire ici, en l'occurrence, la vie. Comme cela, lorsque tu as une soif et tu sais que tu ne peux pas repousser cette soif qu'en prenant quelque chose d'illicite. Nous ne parlerons pas du vin ici, nous parlerons par exemple de l'eau qui est polluée, c'est-à-dire de l'eau qui n'est pas propre à la consommation ni propre pour faire ses ablutions, etc. De l'eau qui aurait été polluée, qui aurait été changée. De l'eau qui a été corrompue par une najasa. Eh bien, à partir de là, elle te sera à la base, tu n'as pas le droit de boire cette eau-là. Cette eau-là, c'est illicite. Mais à ce moment-là, si tu sais que tu ne peux pas repousser la soif qu'en buvant cette eau, eh bien, elle te sera autorisée de boire cette eau afin de ne pas perdre ta vie. Maintenant, sur cette règle, nous allons appliquer la deuxième règle que j'ai évoquée, qui est évoquée par les savants, qui est ad-darurat tuqaddaru biqadriha, c'est-à-dire que les nécessités sont estimées selon leurs besoins, c'est-à-dire que ça restera une nécessité selon son besoin. Comment appliquer cette règle ici? Nous dirons qu'il ne te sera pas permis de manger de cette bête morte plus que ce que tu as besoin. Tu as besoin de manger de cette bête morte qui était illicite à la base afin de repousser la faim. Cette faim qui pourra, si tu ne manges pas cette bête morte, t'amener à perdre la vie. À partir du moment où tu auras mangé ce qui t'est suffisant pour repousser cette faim, tu devras t'arrêter de prendre cette chose. Et tu ne devras pas manger cette bête jusqu'à être rassasié, barakallahu fikoum, jusqu'à être rassasié. Ceci te sera interdit. Tu devras juste prendre de cette chose qui était illicite en fonction de la nécessité. Car la règle, quelle est-elle? Ad-dawurat tubihul mahdurat. Donc les nécessités rendent licites les interdits. À partir du moment où tu auras mangé une partie de cette chose qui était interdite, jusqu'à repousser la nécessité, il n'y aura plus donc de nécessité. Donc à partir de là, cette chose qui t'était interdite et qui t'a été rendue licite par cette nécessité reviendra à son jugement de base qui est le fait que cette chose est illicite. Voilà comment on peut appliquer ici dans un exemple qui est simple et qui est connu. Et des exemples sur cela, il y en a plusieurs. Et parmi ces exemples, nous pouvons aussi rappeler ce que nous avons évoqué de Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah dans l'assise précédente, le fait qu'il est interdit, bien sûr, si vous vous rappelez dans la règle précédente qui était, si vous vous rappelez la règle de la semaine dernière, c'était Ad-Dara'u Yuzel, c'est-à-dire que la nuisance doit être rejetée et repoussée. Nous avons parlé de cette histoire avec Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah qui, lorsque Tatar était rentré dans les pays de l'islam et certains avaient prétendu cela, dans tous les cas, il faisait du mal aux musulmans, il leur faisait de nombreuses nuisances. Et Cheikhul Islam, qui avait vu une personne parmi les étudiants en sciences, interdire à certains parmi Tatar de boire de l'alcool, parce qu'ils continuaient à boire de l'alcool, car ceci est interdit, donc il voulait par cela interdire le blâmable, et Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah l'a interdit, en pratiquant donc cette règle, Ad-Darar Yuzel, la nuisance doit être repoussée. Le fait qu'il repousse à la nuisance de quoi? La nuisance qui pouvait être effectuée par Tatar aux musulmans, par le fait qu'ils boivent du vin, qu'ils s'enivrent et dorment et donc n'embêtent pas les musulmans. Et bien comme cela, ici, Cheikh l'Islam, à ce moment-là, il pratiqua aussi cette règle-là. Le fait qu'il est interdit, bien sûr, de ne pas interdire le mal. Ne pas interdire le mal, ceci est interdit. Il est une obligation de notre religion d'interdire le blâmable. Et le fait de donner du vin à quelqu'un, ou en tout cas de le laisser boire du vin, ceci est interdit. Parce que comme on l'a dit, l'interdiction du vin est venue pour préserver l'une de ces cinq daruriyat, ces cinq nécessités, qui est l'aql, qui est la raison. Ou l'aql se trouve dans le cœur, qui est la raison. Et bien à ce moment-là, Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il laissa cette personne et l'interdit de ne pas, l'interdit d'interdire le blâmable, et laissa cette personne boire du vin, il a pratiqué cela, car il s'arrête. À cette époque, en tout cas, il s'arrêtait cette nécessité, la nécessité de préserver la vie, nafs, car certains parmi les Tatars nuisaient aux musulmans jusqu'à même, certains leur faire de grosses nuisances jusqu'à amener à leur faire perdre la vie, c'est-à-dire à les tuer. Donc à partir de là, il appliqua cette règle aussi, qui est le fait que, ici, il s'est vu une autorisation dans le fait de ne pas interdire le blâmable et de laisser les gens consommer de l'alcool. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين